C'est la fin d'une histoire. C'est la fin d'un cauchemar. C'est la fin d'un polar. C'est la fin d'un pétard. Ha ha ha! Ouais, bon. Ouais, comment... Elle était bien là, non?